La mission de la MINUSMA au Mali est aujourd'hui en train de connaître une desiderata sans précédent, alors qu'elle était porteuse d'espoir lorsqu'elle a été instituée à la suite de l'opération Serval, qui est devenue Barkhane. Cette mission était porteuse d'espoir parce que elle était présentée comme étant un atout qui allait permettre la lutte contre le terrorisme, qui allait renforcer les efforts de l'État malien dans la sécurisation du Sahel, qui allait limiter et endiguer les potentialités terroristes et les poches terroristes, et permettre surtout de résorber cette question sécuritaire en créant un cadre propice au retour de la paix dans le nord Mali. Il faut noter qu'en 2019, un officier de l'armée française écrira dans un rapport qui a été adressé à l'état-major que la dégradation de la situation sécuritaire au Mali est telle que la menace est en train de s'étendre aux pays comme le Burkina Faso et en train de davantage se dégrader au niveau du Niger. C'est un officier français qui écrira cela. Cet officier, bien sûr, tiendra compte de la réalité sur le terrain. Et cet officier va mettre en cause la MINUSMA. Il va dire qu'au lieu d'apporter des solutions, la MINUSMA, avec sa stratégie morose, peureuse, mais surtout très alambiquée, n'a fait que laisser se développer le terrorisme. Et cela a créé le cadre que nous observons aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'avec de nombreux témoignages, par exemple M. de Degoga, oui, qui est un des témoins oculaires de la dégradation de cette situation sécuritaire ces derniers jours. D'ailleurs, ce monsieur est lui-même blessé actuellement à l'heure où nous parlons. Dans son témoignage, il montre clairement que la MINUSMA a été incapable d'apporter la sécurité aux populations civiles lors de la dernière attaque perpétrée par les terroristes contre les forces armées maliennes. Attaque, heureusement, repoussée de manière vive et salutaire par les forces armées maliennes, les FAMA. Donc, avec un tel contexte, incapacité à ramener la sécurité, incapacité à se constituer en force de sécurisation du Mali, en force salutaire pour le Mali, on assiste depuis déjà près de 2 ans à une remise en question de la MINUSMA. Et cette remise en question prend des formes d'un désamour tout à fait partagé par les populations qui n'hésitent plus, qui a visé des cailloux au passage des convois de la MINUSMA ou même à s'attaquer à des éléments de la MINUSMA pour leur demander de rentrer chez eux. En fait, tous ces actes montre que le peuple malien dans son entièreté, ou du moins dans sa grande majorité, est actuellement résolu à faire le procès de la MINUSMA dans le sens de remettre en cause l'effectivité de ses missions sur le territoire du Mali. Et ce, malgré la persistance de rapports des instances internationales, notamment motivées par les ambitions hégémoniques des pays comme la France qui ont perdu pied avec le départ de Barkhane et qui voudraient que la présence internationale soit maintenue au Mali via la MINUSMA. Donc, dans ce corps à corps entre le peuple malien et la MINUSMA, engagé pour la survie et la sécurité du peuple malien, ce peuple a décidé de se mobiliser dans les jours à venir et de sortir comme un seul pour dénoncer ces forces qui sont considérées non pas comme des forces de salut, mais plutôt comme des forces de facilitation des terroristes, comme des forces incapables, incompétentes face aux terroristes et qui ne méritent plus d'être sur le territoire malien. C'est le sens des manifestations qui sont organisées dans les prochains jours. Nous allons observer cette situation. Nous restons en alerte et en attente. Nous allons regarder comment ce peuple va se comporter. Et nous restons bien sûr dans l'expectative avec l'annonce de ces manifestations. Pour l'opinion publique panafricaniste, ce n'est pas seulement l'expectative. C'est aussi l'engagement d'un peuple résolu à résoudre lui-même ses problèmes. C'est ce peuple qui sera observé, le peuple malien. C'est pourquoi l'opinion publique panafricaniste sera elle-même aussi très mobilisée de par le monde pour appuyer le peuple malien dans ses démarches, pour les soutenir dans leur approche et pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que leur cri d'orfraie a retenti de par le monde et que cette opinion l'a cueillie en plein vol et l'a récupérée à son propre corps défendant. Donc, l'opinion panafricaniste sera certainement très mobilisée aussi dans les jours à venir autour du peuple malien dans le cadre de la revendication qui vise à mettre hors du Mali les forces de la MINUSMA, d'autant plus que l'on sait qu'aujourd'hui la MINUSMA est engagée dans un complot international contre le Mali, lequel complot vise à fragiliser le dispositif sécuritaire malien par des rapports négatifs sur l'état des droits de l'homme dans les opérations de maintien, les opérations de sécurisation du Mali par l'armée malienne. Et donc, ces forces-là sont aussi devenues des forces hostiles qui participent à fragiliser le dispositif sécuritaire. Cette opinion panafricaniste sera aux côtés du Mali pour ces raisons-là, et le peuple malien prioritairement y sera pour la défense de sa souveraineté. Situation très intéressante du côté du Mali, situation qui va nous intéresser, nous, analystes de la chaîne panafricaniste Afrique Média.